J'ai lu ce que tu désires, tu veux qu'il te fasse rire, ne pas se prendre au sérieux, qu'il ait de jolis yeux, de la conversation, car